Chapitre 120. La recommandation d'éviter par humilité les vêtements somptueux. 802. D'après Mu'az ibn Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui en a les moyens, mais renonce aux vêtements somptueux par humilité devant Allah, Allah l'appellera le jour de la résurrection devant toutes les créatures, et on le laissera choisir la parure de la foi qu'il désirera. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan.